bonsoir, bonsoir. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent en nouvelle diffusion Histoire vivante. Josephine Baker, qui est à la fois une ressource cinématographique, c'était à l'époque une des femmes les plus connues du monde, on disait que c'était la femme la plus photographiée du monde, adulée en France et sur une bonne part de la planète, et donc c'était impensable de ne pas s'en servir au cinéma. Cette semaine, il y a de l'orage dans l'air. Josephine Baker aurait adoré avoir une carrière américaine, parce que même si le cinéma français se porte très bien dans les années 1930, le cinéma américain domine le monde. Mais Hollywood n'avait pas de place pour elle. Et Smoking de travers. Alors déjà, il faut pas dire du mal de Josephine Baker, et vous me verrez réagir à chaque fois. Non, je pense pas du tout que c'était une mauvaise actrice. La raison pour laquelle elle cesse de tourner après 1940, c'est qu'elle est trop vieille. Quand le jazz est là. Mais c'est aussi qu'elle chantait « J'ai deux amours, mon pays et Paris ». Au début, et puis à la fin, en 1939, elle chante « J'ai deux amours, mon pays, c'est Paris ». Elle s'est mariée à un Français, elle a la nationalité française. Donc plus française que Baker, à l'époque, difficile. Histoire vivante, cette semaine, Josephine Baker. Aujourd'hui, entretien avec Jean-François Stazac, spécialiste en géographie culturelle à l'Université de Genève. On retrouve Jean-François Stazac au micro d'Histoire vivante aujourd'hui pour poursuivre cette semaine consacrée à Josephine Baker dans la perspective du prochain documentaire d'Histoire vivante, consacré exceptionnellement à Josephine Baker. Je dis exceptionnellement parce que ça sort un peu des thématiques politiques ou géopolitiques habituelles, voire Seconde Guerre mondiale, quoique... Quand j'en ai parlé à Jean-François Stazac, avant que ce micro ne soit ouvert, il m'a dit « Mais si vous voulez, moi je peux vous amener la Seconde Guerre mondiale dans le dossier. » Alors, je le laisserai faire si il souhaite inviter la Seconde Guerre mondiale dans la question Josephine Baker. On a évoqué hier, grâce à l'article de Jean-François Stazac, la place qu'occupait Josephine Baker dans le cinéma français. Elle aura tourné 4 films, en dehors de quelques apparitions de figurantes ça et là. Dans l'ordre, un premier film muet, La sirène des tropiques, qui seront suivis à partir de 1934, autrement dit 7 ans après le premier film, d'un premier signé Marc Allégret, intitulé Zouzou, de Princesse Tam Tam, d'Edmond Gréville, et enfin de Fausse Alerte, de Jacques de Baroncelli, tourné en 40 et sorti en 45, et après cela, de cinéma, il n'y aura plus du tout pour Josephine Baker. Alors on peut s'interroger de différentes manières, mais moi je vais vous proposer peut-être la chose la plus élémentaire. Est-ce parce que Josephine Baker était une piètre actrice qu'on n'a pas cherché à la faire tourner davantage ? Alors, je ne crois pas. Alors déjà, il faut pas dire du mal de Josephine Baker, et vous me verrez réagir à chaque fois. Non, je pense pas du tout que c'était une mauvaise actrice. La raison pour laquelle elle cesse de tourner après 1940, c'est qu'elle est trop vieille. Et qu'à l'époque, et ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui, on n'a pas des rôles pour des femmes qui ont plus de 30 ans ou plus de 40 ans. Donc, sa carrière cinématographique était finie, parce qu'elle ne pouvait plus jouer sur les canons de la beauté et de l'érotisme qui avaient fait son succès. Cela dit, 4 films avant 1940, c'est pas beaucoup. Pourquoi ? Ben parce que ces films ont raté leur but en quelque sorte, c'est-à-dire aucun n'a été un énorme succès, aucun n'a été un chef-d'œuvre, et au total, le cinéma français n'est pas arrivé à faire grand-chose avec le potentiel qu'incarnait Josephine Baker. Son manager et mari avaient bien conscience qu'elle aurait pu faire une énorme carrière cinématographique, mais que les réalisateurs avaient du mal, en fait, à savoir quoi faire de cette personne et de cette personnalité. D'autant qu'elle partage l'affiche, en tout cas pour l'un des films, avec la vedette star du moment, à savoir Jean Gabin. Donc on la met quand même très très haut. Alors on la met très haut parce qu'elle était très connue à l'époque. Le Zouzou, le film avec Gabin, est un film du début de la carrière de Gabin. Donc il n'est pas encore la star adulée qu'il sera. Il est 34, celui-ci. Ouais. Mais il est déjà très connu. Et puis, comme Josephine Baker, il vient du musical. Donc tous les deux sont des figures d'un peu de chansonniers qui jouent sur les théâtres. Et donc c'est vrai que le couple Joséphine Baker et Jean Gabin semble être une promesse de succès, mais c'est pas un couple. C'est-à-dire que dans le film, Joséphine Baker est la sœur de Jean Gabin. C'est un curieux scénar. Hein. C'est un curieux scénario parce qu'il faut bien que les deux soient là, mais il est impensable de faire une histoire d'amour entre Gabin et Joséphine Baker. On fait le résumé rapidement de cette petite histoire. Alors la petite histoire est présentée dans le film avec l'idée que alors Gabin est un marin qui revient, je crois que c'est à Marseille, et puis il va retrouver sa sœur Zouzou, et le film va nous raconter d'un côté les amours de Baker, l'autre de côté les amours de Gabin, et puis le triomphe d'une Joséphine Baker qui va monter sur scène et devenir connue en tant que Zouzou parce qu'elle est une meneuse de revue extraordinaire, mais évidemment elle ne connaîtra jamais l'amour, elle va rester malheureuse. Il faut quand même oser mettre Joséphine Baker et Jean Gabin comme frère et sœur. Alors il y a une explication qui est donnée dans le film de façon pas très très claire, hein, c'est que on ne sait pas si son frère et sœur, demi-frère, demi-sœur, jumeaux, mais en tout cas le film ne nous raconte pas exactement comment ils ont été conçus, et c'est pas un des points importants du film, on va dire. Mais à l'évidence, on le donne ainsi au public. Et du coup, pour ce que vous pouvez en savoir, Jean-François Stazac, est-ce que ce film-là, par exemple, va connaître son public ? Va-t-il avoir du succès ? Alors, parmi les films de Baker, c'est celui effectivement qui aura le plus de succès. Le plus de succès ? Ouais, le plus de succès. Bon, parce que c'est un bon réalisateur, parce qu'il y a Gabin qui est présent, et aussi peut-être parce que les numéros de musical, ils sont assez réussis. Mais ça va voir aussi avec le moment, c'est-à-dire que le film n'arrive, les films suivants arriveront peut-être trop tard avec une Joséphine Baker qui est déjà, excusez-moi de le dire de cette façon-là, mais trop vieille pour plaire au public, et puis un personnage qui est peut-être un peu usé, c'est-à-dire que Joséphine Baker, on l'a tellement vue que l'attrait qu'elle constitue au cinéma, elle jouait toujours le même rôle, hein, d'une jeune fille pauvre, noire, qui devient une star adulée, on s'en lassait. On la réemploie à peu près pour le même personnage. C'est ça, c'est-à-dire ouais. Que c'est comme si on n'arrivait pas à raconter une autre histoire que celle de Joséphine Baker. Bon, cela dit, c'est assez beaucoup de comédiens et de comédiennes s'en plaignent à longueur de temps. Tout le monde a en tête l'imperméable de Lino Ventura. Bon, c'est peut-être lui qui voulait porter toujours le même. Je ne sais pas où il était fidèle ou sponsorisé par une marque. Mais enfin, voilà. Les acteurs et actrices se sont souvent plaints qu'à partir du moment où ils avaient marqué dans un rôle, on leur redonnait systématiquement le même c'est rôle. C'est vrai. Mais pour Baker, il y a une autre explication. C'est comme si, au fond, le fait qu'elle soit une star adulée méritait toujours explication. Parce que c'est quand même bizarre qu'une femme noire soit une star et une vedette de cinéma, et c'est comme si dans chaque film il fallait raconter l'histoire qui fait d'elle cette vedette ou cette star qu'elle est devenue, parce que ça reste quelque chose qui... Ça relève de l'acte manqué, vous dites, de la production du cinéma français? Alors c'est acte manqué, je sais pas, mais c'est une sorte de hockey, hein, parce qu'on répète à chaque fois ouais. On répète à chaque fois le même film un peu raté à la vérité. Le dernier film est un peu différent parce que Baker est plus âgée à ce moment-là, et elle est présentée comme étant la directrice d'un cabaret. Elle dirige un cabaret à Paris en 1900. L'histoire se passe en 1939, hein, et donc on attend les événements, et donc ça raconte l'histoire d'un quartier qui est dans l'attente de la guerre. La drôle de guerre. C'est un drôle de guerre, oui. Et puis c'est des embrouilles d'histoire d'amour dans le quartier où habite Joséphine Baker et où il y a son cabaret. Et c'est le seul film où elle n'est pas racialisée, c'est-à-dire qu'elle est la directrice d'un cabaret où elle chante, mais à aucun moment sa race n'entre en jeu dans l'intrigue. Personne ne semble remarquer qu'elle est noire ou ne semble en faire quelque chose qui va modifier l'histoire. Grosso modo, le personnage serait joué par Lynn Renault ou Miss Tinguette, ça aurait été la même chose. Et ça, c'est très étrange parce que je crois qu'il faut bien attendre une cinquantaine d'années avant que se reproduise dans le cinéma français ou dans le cinéma américain. Mais ça en dit long sur la réussite qui était celle de Baker, hein, qui est devenue française en quelque sorte. Hein. Et je pense qu'en 1939, elle est parvenue à faire quelque chose qu'elle cherchait à faire, c'est-à-dire devenir française. Et peut-être qu'on ne la voyait plus vraiment comme noire. Alors bien sûr, il y a un jeu aussi, hein, sur les éclairages et le maquillage qui faisait que, de facto, elle était de moins en moins noire. Mais c'est aussi qu'elle chantait « J'ai deux amours, mon pays » et Paris, au début, et puis à la fin, en 1939, elle chante « J'ai deux amours, mon pays, c'est Paris ». Donc elle est vraiment devenue française, elle s'est mariée à un Français, elle a la nationalité française, et puis elle va tourner et chanter devant les troupes françaises. Donc plus française que Baker, à l'époque, difficile à trouver. Et c'est aussi pour ça qu'elle va être une vraie héroïne française pendant la guerre, hein, si vous voulez qu'on revienne à la Seconde Guerre mondiale. Je savais bien que vous alliez y arriver. Mais avant que vous n'arriviez à la Seconde Guerre mondiale, peut-être d'ailleurs vous aurez l'occasion là-dessus, je voudrais qu'on reste un moment, Jean-François Stazac, avec vous, sur le titre de l'article. L'écran de l'exotisme contient évidemment un mot majeur, c'est l'exotisme, une notion sur laquelle, en tant que géographe, vous travaillez infiniment. Au point que vous avez d'ailleurs écrit un article qui s'intitule tout simplement « Qu'est-ce que l'exotisme ?» Alors, l'exotisme, qu'est-ce à coup ? Comment ça s'attrape ? Alors, mon idée sur l'exotisme, qui est assez simple, c'est que l'exotisme n'est jamais une qualité que posséderait une personne, un lieu ou un objet. C'est-à-dire que personne n'est en soi exotique, autant il n'y a pas de poisson ou de fleurs qui serait exotique pour tout le monde de la même façon, ni une île qui serait exotique en tant que telle. Bien sûr, l'exotisme, c'est toujours relatif à un point de vue. Et donc, quand on qualifie quelqu'un ou un paysage d'exotique, c'est toujours d'un point de vue, et ce point de vue, c'est toujours le point de vue européen. Vous avez votre exotisme et j'ai le mien. Oui, mais probablement c'est le même. Ah. Probablement c'est le même parce qu'on est issu de la même culture et que vous comme moi, sans doute, on a toujours rêvé d'aller à Tahiti et pour des raisons vous comparables, surtout. C'est qu'on a vu les tableaux de Gauguin ou qu'on a vu des films qui se passaient à Tahiti. On a tous le rêve de l'île tropicale et ce rêve, il nous est fourni par une certaine culture. Et donc, cet exotisme, c'est ce goût de l'ailleurs parce que ce qui qualifie l'ailleurs très souvent, c'est qu'on le méprise, c'est qu'on le déteste, c'est que on le trouve scandaleux. Et puis l'autre, on veut le réduire en esclavage, on veut le dominer, voire l'exterminer. Et la particularité de l'exotisme, c'est de transformer tout ça en quelque chose qui a l'air positif, qui a l'air de montrer un enthousiasme, un goût pour l'autre et l'ailleurs. Mais évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça parce que quand on aime l'autre en fonction de son altérité, c'est toujours de soi-même, bien sûr, qu'il est question. L'exotisme renvoie-t-il nécessairement à une notion paradisiaque, incluant évidemment la notion du paradis et nécessairement par voie de conséquence du paradis forcément perdu? Alors, il y a toujours de la nostalgie, je pense, dans l'exotisme, parce qu'on ne peut pas séparer le voyage dans le temps et le voyage dans l'espace. Donc l'exotisme, c'est toujours retourner effectivement vers un moment qui serait celui du paradis, de l'âge d'or, d'une utopie bienheureuse où tout était mieux parce que on ne connaissait pas la civilisation, on ne connaissait pas le péché, on vivait simplement. Et donc l'exotisme connaît un regain très fort au XXe siècle du fait du primitivisme, du fait qu'on est un peu négatif sur la civilisation, l'industrie et la ville, et qu'on a tous envie de retourner dans la forêt des origines. Oui, ordre et progrès fonctionnent de moins en moins, la devise d'Auguste Comte. Voilà. On le met en doute, oui. Ouais. Et on a tous envie de retourner dans le Jardin d'Éden pour jouer à Adam et Ève. Il y a quelque chose qui joue là-dedans et que l'on voit notamment dans la représentation des villes, aussi bien dans la littérature que aussi après dans le cinéma, et notamment dans l'expressionnisme, c'est que la ville apparaît comme une entité monstrueuse. Elle joue là, vous diriez, Jean-François Stazac, un rôle majeur. Un rôle majeur, un rôle de repoussoir, c'est-à-dire que il y a dans l'exotisme un certain antimodernisme. Il y a une insatisfaction et il y a une volonté d'échapper à quelque chose qui nous frustre et donc on peut y échapper en remontant dans le temps ou on peut y échapper en se déplaçant dans l'espace pour aller retrouver notre propre passé. Et donc c'est vrai que la ville dans cet univers, c'est le lieu de la perdition, le lieu de la pollution, le lieu du travail aliénant. Et dans les films de Joséphine Baker, ça apparaît très bien où elle arrive. Le lieu de l'impureté, oui. Elle arrive venant de sa forêt ou de son île tropicale avec toute sa naïveté d'enfant, et puis liée bien sûr à l'assignation raciale aussi, tous les stéréotypes qu'on a sur le caractère innocent et puis enfantin des personnes de couleur. Et arrivant dans la grande ville européenne, Paris en particulier, elle va être celle qui va faire tomber les masques et qui va montrer à quel point nous vivons dans un monde qui est artificiel, condamnable, trop sophistiqué, trop civilisé et artificiel. Elle est en quelque sorte comme... c'est un peu la figure de l'être persane, hein, avec les ambassadeurs qui arrivent de Perse et puis qui vont nous parler de nous en nous apprenant quelque chose sur nous-mêmes. Histoire vivante. Cette semaine, Joséphine Baker. Suite de l'entretien avec Jean-François Stazac, spécialiste en géographie culturelle à l'Université de Genève. Jean-François Stazac, un sacré paradoxe pour Joséphine Baker qui manque de peu d'être nommée reine de l'exposition coloniale qui se tient à Paris en 1934, sauf erreur, non, 31. Finalement, ce titre ne lui sera pas décerné. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est de son fait à elle ou bien si on cherche à ne pas insister. Toujours est-il que elle, Joséphine Baker, qui sera vraiment à plusieurs reprises à tirer à boulet rouge contre l'ostracisme et le racisme qu'elle a pu connaître aux États-Unis et que les gens, les Noirs, continuent de connaître pendant qu'elle est arrivée en Europe, elle va se montrer d'une discrétion extrême vis-à-vis de la question coloniale française. Elle ne pipera mot sur l'empire colonial. Comment ça s'interprète, ça ? Alors, vous avez raison, hein, dès les années 50, elle est très profondément engagée dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Elle va marcher en 1964 à côté de Martin Luther King sur Washington. Et elle va être fichée par le FBI aux États-Unis et presque interdite de territoire à cause de son engagement politique, parce qu'à l'époque, lutter contre le racisme, c'était bien sûr être communiste. Et donc, elle avait un courage vraiment extraordinaire à ce moment-là. Et en France, elle ne parlera jamais de la colonisation. Alors, il y a plusieurs éléments. D'une part, c'est une gaulliste. Elle était résistante pendant la guerre. De Gaulle était son dieu. Elle portait la croix de Lorraine. Elle a eu la médaille de la résistance. Et donc, elle est très, très du côté du général de Gaulle, qui n'était pas forcément très critique lui-même sur le processus colonial. Donc, fidèle au général de Gaulle, fidèle au gouvernement français. Le deuxième élément, peut-être, c'est qu'elle avait compris que si elle voulait être adulée des Français et être la reine de Paris, c'était peut-être pas une bonne idée de se mettre à critiquer le pays qu'il avait reçu. Et puis le troisième élément, c'est que peut-être une certaine myopie au sens où ce que dit Joséphine Baker, elle le dit à de multiples reprises, elle nous dit « je n'ai jamais eu d'expérience raciste en France ». Autant j'ai subi le racisme aux États-Unis et je continue à le subir si j'y retourne, autant la France c'est un pays qui ignore le racisme. Est-ce que c'était vrai ? Non, c'est que juste dans le milieu que Joséphine Baker fréquentait, où elle était d'ailleurs quasiment la seule noire, femme noire, elle ne subissait pas d'opprobre en tant que telle. Ça ne veut pas dire que dans d'autres milieux, le racisme n'existait pas. Et puis aussi, pour dire les choses, à l'époque, dans les années 1930, il y avait très peu de Noirs à Paris. Et donc, le drame raciste, il se jouait beaucoup moins dans la métropole que dans les colonies. Ce drame, soit Baker ne le connaissait pas, soit il n'avait pas envie d'en parler. Et puis, quelque chose est assez troublant sur l'arrivée de à la fois de Joséphine Baker, mais d'autres musiciens noirs à Paris à l'époque, c'est cette espèce de croisement entre l'avant-garde et l'arrivée de quelque chose, d'un nouveau matériel musical qui fait dysfonctionner les rythmes habituels et propulse tout le monde dans le monde du swing. Il y a quelque chose qui est véritablement révolutionnaire pour la construction esthétique européenne qui a eu lieu jusque-là. Là, il y a un bouleversement, les corps se mettent à s'agiter, là où auparavant, tout était dans une certaine mesure, même dans les danses populaires, extrêmement cadré. Là, il y a du mouvement. Oui, c'est vrai. À la vérité, il y a un précédent, c'est les ballets russes. Et les ballets russes ont En fait, les ballets russes, c'est quelques années avant le bal nègre, avant l'arrivée de Baker à Paris. Et c'est parce qu'il y a eu les ballets russes qu'on va chercher Baker. C'est-à-dire que la personne, en fait, qui a monté le spectacle de Baker et qu'elle est allée chercher, voulait faire avec le jazz et les noirs américains ce qui avait été fait avant avec les ballets russes. C'est-à-dire. Retrouver le scandale du sacre et retrouver également une nouveauté qui vient de l'extérieur et qui a ce potentiel de libération et aussi de scandale. On savait très bien que ça allait faire scandale. Oui, c'est et délibérément. C'est délibéré. Ouais. Mais c'est vrai que la France a su à ce moment-là accepter, digérer une culture américaine noire qui restait très marginale aux États-Unis. Est-ce que c'est parce que les Français étaient moins racistes ? Peut-être, mais je pense que c'est surtout parce qu'il n'y avait pas de communauté noire en France, et donc le fait d'accepter la culture, voire des musiciens ou des chanteuses ou des actrices noires, était sans conséquence sur la vie quotidienne. Ça ne vous obligeait pas à regarder votre voisin d'une autre façon, parce que votre voisin, il était blanc comme vous. Et la question du racisme intervient plus tardivement en France. On peut dire qu'elle préexiste à la guerre d'Algérie, mais la guerre d'Algérie va en être un formidable accélérateur. Joséphine Baker, elle est complètement en dehors de ce temps-là, si j'ose dire, même si elle est tout à fait vivante pendant les événements. Oui, elle n'en parle pas. Elle n'en parle pas. Pourtant, c'est un contexte qu'elle connaît, parce qu'elle a beaucoup voyagé pendant la guerre en Afrique du Nord, au Maroc, mais aussi ailleurs, parce qu'à l'époque, elle récoltait des fonds en faisant des spectacles pour le général de Gaulle, et puis parce qu'elle a été, après le débarquement américain à Casablanca, mobilisée par l'armée américaine pour venir chanter devant les GIs, parce qu'il y avait un problème dont on se rendait compte tout de suite à l'époque, c'est qu'il y avait des tensions entre les Blancs et les Noirs parmi les GIs. Et Josephine Baker a allé chanter devant les soldats américains à Casablanca en 42 pour montrer que la race n'a pas d'importance et que même une femme noire peut devenir une grande meneuse de revue et une grande star. Et c'était en quelque sorte une propagande politique qu'elle a accepté de faire pour le bien des opérations militaires. Et donc le monde nord-africain, elle le connaissait très bien. Alors c'est toujours pour la même raison de fidélité à De Gaulle que Joséphine Baker, dans tous ces dossiers-là où elle aurait pu avoir l'occasion de s'exprimer publiquement, après tout elle ne s'en privait pas le reste du temps, et elle avait plutôt la parole facile, et le verbe haut, qu'elle s'est montrée prudente et discrète. Alors c'est très difficile d'expliquer ou de justifier un silence, parce qu'évidemment on manque d'arguments pour l'expliquer. C'est bien plus facile de parler de la parole de quelqu'un. Donc c'est vrai que sur le silence de Baker, je n'ai que des hypothèses. Alors il y a bien sûr cette idée, les points que j'ai évoqués, mais il y a aussi autre chose, c'est que Joséphine Baker, c'est très facile rétrospectivement de dire elle aurait dû dire ceci ou elle aurait dû dire cela. C'était une femme qui n'était pas du tout une femme politique, même si elle avait des convictions, qui vivait dans un milieu qui était le sien, et peut-être c'est beaucoup attendre d'elle qu'elle ait effectué une prise de conscience que, je vous le rappelle, à l'époque, tellement peu de Français de Français qui étaient plus impliqués dans l'affaire avaient effectué. Alors, quelques artistes, quelques intellectuels, évidemment, mais la guerre d'Algérie, c'était des événements dont on entendait parler de loin et qui mobilisaient peu de monde en métropole. Jean-François Stazac, vous indiquez dans l'article consacré à Joséphine Baker que d'une certaine manière, Joséphine Baker n'a pas du tout été dupe du rôle qu'on lui a fait jouer. Elle a même, d'une certaine manière, pu utiliser et instrumentaliser cette chose-là à son avantage. Et ça se retrouve notamment dans la deuxième partie de sa vie, la dernière partie de sa vie, quand elle a créé autour d'elle cette curieuse famille composée de je ne sais plus combien d'enfants qu'elle a adoptés, 12 qu'elle a adoptés de par le monde. Elle appelle ça la tribu arc-en-ciel. La tribu arc-en-ciel. Et puis elle veut, je ne sais pas si elle le fait, construire un motel pour les touristes. C'est quoi ça? Alors en fait, effectivement, à partir des années 50, Joséphine Baker tourne moins, elle a plus de temps à consacrer à d'autres projets. Elle met en place un vrai projet politique, une utopie, on peut dire. Elle veut, pour montrer qu'on peut dépasser les différences, et notamment les différences raciales et religieuses, adopter des enfants de toutes les nationalités, de toutes les races, de toutes les religions du monde, en les élevant dans leur propre culture, pour montrer que, malgré cela, ils peuvent bien s'entendre et faire une famille. Et donc là voilà la tête. C'est Madame UNESCO là. Oui, absolument. Et donc là voilà la tête d'une tribu arc-en-ciel, c'est ainsi qu'elle l'appelle, hein, de 12 enfants qui viennent de tous les endroits du monde et qu'elle a récupéré dans des orphelinats et parfois dans des circonstances assez rocambolesques. Et puis dans le château qu'elle a acheté dans le Périgord, les Milandes, elle veut créer aussi une université qui défendrait le même programme et également une sorte de parc d'attractions que viendraient voir les visiteurs et qui serait à la fois autour de la personne de Josephine Baker et autour de ce projet politique. Et effectivement, il y avait notamment un village africain, hein, c'est une sorte d'anticipation du Club Med, où vous pouviez louer une case en tant que touriste et puis apprendre hein, le quotidien d'une Afrique de fantasmes, évidemment. Et ces quelques cases existent encore à côté de... Elles existent toujours. Oui, plus en tant qu'hôtel, mais elles existent encore, oui. Mais quoi, là, c'est la duplication de l'exposition coloniale des années précédentes ou... On est dans la même culture, hein, effectivement, à la différence que vous le disiez, Baker n'est pas dupe. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé mes recherches sur Josephine Baker, j'étais persuadé que j'allais être dans la dénonciation d'une femme qui avait été la victime du racisme et du sexisme, et que c'était atroce, etc. Alors il y a ça, bien sûr, chez Baker. Mais c'est aussi une femme adulée, qui a fait beaucoup d'argent et qui a acquis une liberté de parole et une influence énorme politique parce qu'elle était une femme noire et parce qu'elle a su jouer à ce propos. Alors au début aussi, je me disais, ah, tous ces hommes qui rient en regardant Josephine Baker danser avec des bananes, le sexisme, le racisme. Et puis, j'en suis venu à l'hypothèse que peut-être ils ne riaient pas de Josephine Baker, mais avec Josephine Baker, car tout le monde savait très bien qu'elle était américaine et qu'elle n'arrivait pas de l'Afrique. Et elle-même ne s'est jamais plainte de tout ça. Il faut l'entendre adorer son métier et adorer faire le pitre sur scène pour faire rire les gens. Et donc, au final... Adorer la célébrité. Adorer la célébrité. Mais au final, je pense que Josephine Baker riait peut-être plus des stéréotypes qu'elle en a été victime. Et c'est très difficile à savoir, parce qu'il faudrait faire des enquêtes auprès de l'audience de l'époque. Mais peut-être qu'une fois que vous aviez vu Josephine Baker sur scène, peut-être vous sortiez du spectacle, en fait, moins raciste et moins misogyne que vous ne l'étiez avant d'y être entré. Jean-François Stazaction veut vous lire. Alors, il y a cet article que l'on peut trouver sur le net, l'écran de l'exotisme, la place de Josephine Baker dans le cinéma français, et puis également un autre article que j'ai eu l'occasion de lire, où vous interrogez l'exotisme. Qu'est-ce que l'exotisme? Ça se trouve comme ça facilement sur le net. C'est la revue Le Globe. Mais peut-être un petit bouquin de Derrière les fagots que vous auriez dernièrement pondu. Alors, le dernier livre que j'ai pondu, comme vous dites, est un livre collectif hein, qui s'appelle Frontières en tout genre. Et c'est un livre que j'ai écrit avec une équipe d'enseignants-chercheurs de l'Université de Genève et qui examine la façon dont les limites qu'on voit dans notre monde à toutes les échelles ne séparent pas des groupes qui leur préexisteraient, mais en fait participent à la production des groupes. Hein. L'idée, si vous voulez, c'est que les peuples, ils ne sont pas séparés par des frontières, mais que les frontières viennent séparer les peuples. Et que ce qu'on dit pour les nations marche aussi pour le genre, marche aussi pour les classes sociales, ou marche aussi pour les races. Et que ces frontières, ces limites, ces murs qu'on observe, en fait, ils produisent la différence entre les groupes qu'ils séparent. Vos lecteurs favoris seraient donc les douaniers? J'espère qu'ils me le disent, oui. Merci à vous d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci à vous. Demain, suite de l'évocation de Josephine Baker et de la Revue Nègre, nous serons en compagnie de la réalisatrice Ilana Navarro, auteure du prochain documentaire d'Histoire Vivante, consacré précisément à Josephine Baker.